bouquet, aïe par je ralenti. Pour arrêter courir la vie en moment les où il senti. Qu'on vague, qui jaille de souci. Un sentiment si fort que cœur pas même t'es qu'à soupçonner. Qui paraît trembler à Zia. Ou arrêter courir la vie au moment l'air où il sortit. Qu'on vague qui jaille tout souci. Un sentiment si fort que tu n'as pas même été qu'à soupçonner. Qui paraît tomber à ses sur le 96.2 si vous venez nous rejoindre. Chantal avec vous jusqu'à 17h, c'est votre émission Groupe Tropical, et puis et bien sur la bonne fréquence pleine de soleil. Et bien on a commencé cette émission avec Christian Lara, Medi Custos, un nouveau, très nouveau duo. En tout cas, bah, ça fait du bien, hein. Et puis on va continuer sur cette cadence avec Monsieur Stevie et ses jets des sentiments pleins d'amour cet après-midi dans votre émission Groupe Tropical. Je m'étais juré. 15h-17h, votre émission Groupe Tropical, et c'est Chantal qui vous accompagne. J'ai tout essayé. radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Mon sac nous a souffert. Jalousie fait nous voir. Combien nous ne paie mauvais. Fait nous quoi, fait nous voir. L'amour nous s'en valait. Mais nous étions soudés. Go. mwen ta prele Lume di sodi nan domi Apre yon syon an vayi A li de te prefendre Malgre mwen veye Realize se ton koshman Li se telman riyel Li te perturbe Apo diskusyon mwen ou tale Ou kwete fe mpa cheche ou Se kon sa opportuniste Efikte nan vi ou Monopolize ou Akabare ou korean Mem le se yon koshman Son sa boulevesse Akte Levé ma semblé, mes tâches de n'oublier, de pas d'arrêt mes personnes, réfléchir mon délodomie. Thank you. de compas, c'est tous les jeudis après-midi entre 15h et 17h dans votre émission Groove Tropical. C'était New Look, bien sûr, Harley, la rivière avec son titre qui fait un tabac partout, des cauchemars. Allez, on va rester avec ce rythme, avec cette cadence, avec le groupe Class, eh bien oui, lui aussi, c'est vraiment les grandes étoiles du compas en ce moment, avec ce titre Larme au palais. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl beautiful and sweet. I never knew you are the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, your hope in mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on the grass, listening to my favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Oh, je t'ai raconté un soir tu t'es. Tu m'as brièvement m'a parlé et mon cœur a succombé. Un sourire de toi, je suis ivre de joie. C'est mon désir, ma passion, mon choix. De mon petit cœur ta voix résonne. C'est le corps qui frissonne. Et dans nos yeux l'amour rayonne. On n'est plus au téléphone. Ma chérie, enlace-moi. Serre-moi contre toi. Ces sentiments qui brûlent en moi sont tous en toi. Pour toujours, je veux t'appartenir. Avec toi mon amour, je veux tout conquérir. Tu sais tu es la seule mission que je veux accomplir. Il n'y aura pas de, il n'y aura pas mieux. Baby, tu es parfaite à mes yeux. Oh yo yo yo yo. Oh yo yo yo yo. L'amour ça t'amour de chérie. Sylvie Bourgatte. Des fois on pique, des fois on chaud, des fois on lassé. Des fois on lisse, des fois on plissé. C'est ça là d'un homme connecté. Vous cachetez. C'est l'amour parfait. C'est l'amour parfait. C'est l'amour parfait. C'est l'amour parfait. Oh oh oh. So the front lacé, the front list, the front please say. C'est celle-là de l'homme de chaque connecté ou qu'a chanté. Oui, c'est l'île parfaite. Pas grave, il vaut que ça. C'est pour l'éternité. Et je te veux près de moi. Oh baby, je te le dis, c'est la vérité. Yeah. Oh belle ou jeune, où est-ce qu'il y a le désir son arc-en-ciel. Oh yeah. Jamais trop loin de toi, ma darling. Prends ma main, je t'emmène jusqu'au ciel. Je t'aime. Je t'aime, je t'aimerai. Je t'ai toujours aimé, tu sais que je t'aime. Pour tout ce qu'on a partagé, on est. Dans ma life, comme une reine a besoin de son roi. En vrai, tu sais, j'y crois, n'en doute pas. Je ne suis bien que quand tu es là. Sa vie plus belle, les voix que l'on pour leur vie n'est essentiel. Baby, on est. Je t'aime, je t'aime, je t'aimerai. Je t'ai toujours aimé, tu sais que je t'aime. Pour tout ce qu'on a partagé. Amore-moi de mi sans ou savant pékepe. Amore-moi de vie sans ou savant pékepe. Ouh. Je t'aime. tu sais que je t'aime. Pour tout ce qu'on a partagé au nez. Je t'aime. Jusqu'à clairer nous la toujours collée serrée. Ou qu'à demain, c'est un grand jour pour nous. Chérie, est-ce que tu veux bien m'épouser? En lumière qu'a passé, ou qu'a gardé moi comme si c'était première fois. Incroyable mais vrai, malheur dis-moi encore. Pour moi c'est là que moi pas qu'à rêver, non. Pour cette année 2019, Mademoiselle Orlane, moi j'adore cet album, surtout ce titre quand même, Harry, dis-moi ça, ça fait plaisir de la retrouver comme ça. Et puis ben, on va continuer avec Bidob, toujours pareil, un petit peu de compas, pourquoi pas. Dix 7h, votre émission Groupe Tropical, et c'est Chantal qui vous accompagne. Bon après-midi à tous. Éduquer qu'est sensualité. Sous besoin de femme qui est propter. Qui pas de suffit pour qui manger. Sous besoin de femme qui tout pas de bûcher. Sous besoin de femme qui mène la caille. C'est besoin de femme qui connaît le goût du bon. C'est besoin de femme qui sont si bon. Une femme qui pique ou pas c'est mon bon. Et qu'à mes décisions et n'a qu'à vous d'abord pour Problème. Dans nos bails, on est toujours au pétel d'aime. T'étais pas prêt. viens pour faire du sale, sale, sale. Il se fait ses films, histoire en barré, mal, mal, mal. C'est moi qui choisis si je gère mes bye, bye, bye. Non, l'amour, c'est pas check, histoire de taille, taille, taille. J'ai besoin d'un homme qui prenne soin de moi, sans avoir peur d'exprimer ses sentiments. Si un jour se présentait ce bonheur, croyez-moi, pour cet homme-là,

Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Yeah, moi je te veux pour la vie, y'a même pas photo. Ton corps le plus beau pays, sur ton doigt je vais poser mon drapeau. La lune éclaire la nuit pour mieux contempler. C'est dont le ciel m'a béni, depuis toi toutes les fleurs ont fané. Je sais que tu n'aimes pas quand je traîne. Quand je rentre tard tu me fais des scènes. N'est que toi, ce sont les autres que tu gênes. Panique pas, il n'y a pas de quoi sourire les veines. Car c'est toi ma go, c'est toi mon bébé, toi ma chérie. C'est toi ma go, c'est toi mon bébé, toi ma chérie. C'est toi ma go, c'est toi mon bébé, toi ma chérie. C'est toi ma go, c'est toi mon bébé, toi ma chérie. Je suis trop convoitée, je ne peux pas me négliger. Quand tu regardes ton bandit, je veux sentir ton regard briller comme le mien dès que tu te mets à danser. Je suis heureux à t'écouter, mais qu'ai-je donc fait pour te mériter? Je sais parfois tes copines t'engrènent. Nous deux ça dérange, faut que tu restes zen. Toi et moi ça se voit que l'on s'aime. Viens dans mes bras, laisse parler ceux qui ont la haine. Car c'est toi ma go, c'est toi mon bébé, toi ma chérie. C'est toi ma go, c'est toi mon bébé, toi ma chérie. C'est toi ma go, c'est toi mon bébé, toi ma chérie. C'est toi ma go, c'est toi mon bébé, toi ma chérie. Je t'ai dans la peau, je te tire mon chapeau. Je t'ai dans la peau, je t'ai même dans les os. Je peux plus bouger, je t'ai dans la peau. Je te tire mon chapeau, je t'ai dans la peau. Je t'ai même dans les os, je peux plus bouger. C'est toi ma go, go, go. C'est toi mon bébé, toi ma chérie. C'est toi ma go, go, go. C'est toi mon bébé, toi ma chérie. C'est toi ma go, go, go. C'est toi mon bébé, toi ma chérie. C'est toi ma go, go, go. C'est toi mon bébé, toi ma chérie. C'est toi ma go, go, go. C'est toi ma go, go, go, go, go. C'est toi ma go, go, go. C'est toi, eh, eh. C'est toi ma go, go, go. C'est toi ma go, go, go, go, go. C'est toi ma go, go, go. C'est toi, eh, eh. Fanatique des sites, mais picard. un cadeau. Pas bien travail pour y faire de l'eau. Si vous t'en êtes superstar, travaille 5 jours, faut pas être si tard. Qui va rester si blanc? Passer si blanc? Matin si blanc? Fais cadeau, va bien travailler pour y faire golo. Si on t'en voulait superstar, travaille 5 jours en Suisse, blablabla. Guitariste disciple, tambourine indisciple, lingua disciple, fanatique mamie. Il y a un poste en Montréal, quand il a senti Haïti prêt. Et puis on voulait monopole. Caraïbes, c'est chaque jeudi entre 15h et 17h dans votre émission Groupe Tropical, carrément. Alors j'espère que vous êtes bien fidèles à l'émission parce qu'on va continuer comme ça avec de la très très bonne musique, du très très bon son, du très très bon compas. Allez voir, vous allez vous amuser avec moi. Pour m'éloigner de ma bébé, ils ont raconté combien de mythes, ils ont même inventé les coups montés, tout essayé pour qu'entre nous ce soit fêlé. Ils ont dit que toutes les fois je m'attais sans jamais en perdre même une miette. Mais c'est vous, je n'ai Dieu que pour elle. On se connaît, oh, elle me connaît. Je vous la laisse. Les hommes sont des chiens, mais tiens, le sien laisse. C'est nana, ah, oh nana. Et je suis son bébé, son chéri. Y'a pas qui connaît la notice. Moi dispo, oh nana, ah, oh nana. Et je suis son bébé, son chéri. Elle et moi, c'est pour toute la vie. Elle a prétendant par milliers. Prête à l'aider à m'oublier. Mais elle reste fidèle à Lolo. Y'a quoi que son cavolo. Elle ne s'imagine pas avec un autre. Moi seul c'est comment marche sa libido. Et je partirai l'essentiel. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Je n'y vais pas aujourd'hui. bébé. Tu sais que j'ai besoin de toi. S'il te plaît, reviens-moi. Mon cœur t'appelle sans cesse. J'ai besoin de tes bras. Chérie, tu coules dans mes veines. Sans toi, j'ai trop de peine. J'aimerais que tu reviennes auprès de moi. J'en suis sûre, pour moi, c'est cette fille-là qui nous défait. Je comprends pas pourquoi elle s'entête à vouloir me faire la fête. Je vois clair dans son manège, elle veut avoir tous les privilèges, invoquer tous les sortilèges. Je laisserai, tu prendras son piège. Tu sais que j'ai besoin de toi. De toi. S'il te plaît, reviens-moi. Mon cœur t'appelle sans cesse. J'ai besoin de tes bras. Chérie, tu coules dans mes veines. Sans toi, j'ai trop de peine. Dans mes bras, je te ferai ressentir comme je t'aime si fort. Ce n'est pas si simple que ça. J'aimerais tellement me dire que j'ai tort. J'aimerais tellement te faire confiance, me dire que ça n'a pas d'importance. Effacer mes peurs, voir la vie en couleur. Bébé, tu peux me faire confiance, je te dis qu'elle n'a pas d'importance. Tu es la seule dans mon cœur, et je vois la vie en couleur. Tu sais que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de tes bras. Chérie, tu coules dans mes veines. Sans toi, j'ai trop de peine. J'aimerais que tu reviennes auprès de moi. Paraguay longtemps. Questionné, pourquoi qu'elle m'a fait vivre encore? C'est qui me gros inquiétude, moi. Quand t'es pas bien, moi t'as prié. Non, mon bonheur encore, c'est qui gros désigne tes gains. Et puis, moi t'es la vie, m'a fêté. Souvent, ma foi, tes jours, dans l'obscurité. Facile pour me sentir comme ça. Feeling ça doit être là. L'air passé, mais sous moi, me sentir réanimé. Toutes ces lunes dans moi. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. L'amour n'est plus, elle va casser. D'après les jours, sous mon coupé. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. L'amour n'est plus, elle va casser. D'après les jours, sous mon coupé. Un jour, mais c'est pas grave. Suavemente, suave, suave, suave. suavemente. Oh baby, con ça suavemente. Suave, suavemente. Dem pou men joy chale kon ka monte Malge nou pa reme Aswe adoudou nou pa pti vase Ou kon je nou star L'amou nou pral ve di fre ah, Ou tou chéri Ou ah, ou mna veli kon sa Suave mente Suave Suave mente Suavemente, suave, suavemente. Oi! Arc-en-ciel 96.2 FM, FM en couleur. Charisma. Pirette. Tout sucre, tout miel. Je n'aime beaucoup commencer. Tout en bas qu'on qui j'en levé, qui j'ennuie tout passé. J'ennuie tout passé. Oh, m'bavlé absent leur sourire. C'est un bébé m'bavlé perdu. Tellement d'amour chéri. Hey, moi pas découragé. C'est sous vous seul moi cliqué. Pour m'prêt pour m'sacrifier. Tout ça vient sans posséder. Au femme goûton l'amour qui bat la vie mieux la cour. Où c'est prince lumière moins d'un des coups. Moi pas bon parole vous dormir. Nous déjà fait l'amour nous jouir. Joue comme moi en vaille. Mwen vle la lop dal pipi Mwen vle avan ou jou tan mouni Sel mwen da mou chéri Mwen pap dekourajé Se sou gou sal mwen klike Pou mwen pre pou m sakrifye Tou sa mwen sa posede Ou fè m gouton l'amour Ki ba la vi myo Se branche lumière, moi dans des coups. Chérie, pour la vie recommencer. t'accouille en l'emplage. Pour tout prendre gaffe, c'est la mon caillou. Bon, me fait que j'aime pas moi. Un peu beaucoup passionnément à la folie. Toi et moi on a connu l'amour, le vrai, le grand, celui après lequel on court. On avait tant de projets tous les deux, juste s'aimer et être heureux. Mais aujourd'hui sa vie n'est plus, un petit ange a disparu. Toi et moi on s'aimait pour la vie, un peu beaucoup passionnément mais c'est fini. On a connu l'amour, le vrai, le grand sujet, après lequel court. On avait tant de projets tous les deux, juste s'aimer et être heureux. Mais désormais sa vie n'est plus, un petit ange a disparu. Mmh. protéger, construire son avenir. Et pas à pas le voir partir. On avait tant de projets tous les deux. Juste s'aimer, être heureux. Mais Kim, je ne te comprends plus. Regarde-moi, écoute-moi, mais je t'en prie. Ne t'en va pas. Dans ma vie, j'ai tant besoin de toi. C'est un papa. Et puis te serrer contre moi. Mais toi tu n'es plus là. Je t'en prie, ne t'en va pas. Dans ma vie j'ai tant besoin de toi. Encore un effort et ça ira. Ensemble on sera plus fort. Je t'en prie, ne t'en va pas. Un peu beaucoup passionnément à la folie. Toi et moi on vit le grand amour. Le vrai, le grand, celui après lequel on court. Et on t'en va s'en aller. Ah ouais, soleil encore. Fleur yon fané, yon ti soufflé, yon tombé, sans faire effort. Si ou se limye mwen, comme pa wè devant mon corps. Mande mes que c'est mwen, parce que tout ça nous fait, nous pas j'aime d'accord. Si ou remè mwen, j'aime remè ou. Ou ki lè ma belle, mwen senti mwen vle fou. Sa fait réaliser. Je vais te regarder, sans si battement qu'un fou, dans même genre encore. Mais ça dérange, parce que nous passons même accord. Même si moi connais, contre moi t'es gay avec, c'est jusqu'à la mort. Si vous aimez moi, j'aimerais où. Pour qu'il aime avec, moi sentis moi blé fou.

Carlos Black and heavy like Red Cross Axel Tony Marabalze Marabalze Skalpovich Pure Love Story Je n'ai plus sommeil, je suis tellement fou de toi. T'es mon soleil, t'es la seule en qui je peux croire. Pourtant je sais que t'hésites, que tu ne crois plus aux love stories. Mais tu peux croire en la mienne, hey. Wine, baby just wine. Fais tant de l'espace, fais un baby, we don't waste time. Ce soir c'est toi la reine, si oui comme une étoile. Normal que je te mette sur un piédestal. Baby je t'aime à la folie, folie, folie. Violence, story, story, shady. T'es magnifique, t'es jolie, jolie, jolie. Intérieurement comme extérieurement. T'es intelligent, tu représentes avec classe la jante. Féminine, girls, prends un cœur qui n'a jamais. Prends cet amour qui me crée. Je suis plus le même quand tes yeux se posent sur baby, moi. Là dans mes veines, c'est de l'amour qui coule pour toi. T'es la seule, t'es l'unique. Choisis, fais de moi l'homme de ta vie. Je t'aime trop, je veux que tu sois mienne. Baby, you make me feel it my way. Moi, mes vrais chanteurs, on va whiner. Je t'aime comme un fou, je t'aime à la folie. Baby, you make me feel it my way. Moi, mes vrais qui chantent, on va whiner. Je t'aime comme un fou, je t'aime à la folie. À la folie. T'es naturel, pas fait des magazines. Pressant tes cheveux jusqu'à la racine. Là, les yeux revolver, le regard qui m'assassine. Queen, she is a queen. Baby, you so clean. Hey, hey, passons pas venu là, si là c'est passé la coke avant la rue là, si là c'est y'en venant, sirène, si là c'est. Ah, mon amour, hey, prends un cœur qui n'a jamais battu pour aucune autre toi. Cet amour qui me crée. Skalpovic, yeah. Marabalze. Ma reine, oui ma reine. Sublime, yeah. Beauté divine. Je peux m'acheter celle de mes Gucci. Je suis pas chez il est pas you. surtout de l'amour, là on pourra parler. Les biens s'envolent, l'amour s'écrit. Nos cœurs se volent, soyons épris. Nos vies s'affolent, ça n'a pas de prix. C'est comme ça. Désolé, on ne m'achète pas. Presque 17h sur la FM, tout en couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve, bien entendu, jeudi prochain, entre 15h et 17h, avec la même fréquence, 96.2. Et puis, ben, je vous souhaite à tous un très, très bon week-end, une très, très bonne fin de journée. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Toutes ces années, pour moi, c'est comme si c'était hier. Je suis marqué. Pourra oublier ce jour-là, une partie de nous s'est envolée. En tennis, ça a dit pour parler tes collègues. Et toi, photo, vidéo, c'est toute la vie, moi qui en ai. Pas de Paris, c'est logique. En jasouillé, mais en plus, pour mon parcours. J'ai payé très cher au plus profond de ma chair. J'ai dû assumer ma honte dans le regard de ma mère. Pas de panique, c'est logique. Après, je l'avais mieux. De là, pour venir de là, c'est où aller, même si l'homme me mauvais, j'en ai là, la la la, c'est pas plein de joie, la la la, c'est où aller, même si l'homme me mauvais, j'en ai là. Yeah. en couleur. En couleur.